Chapitre 13. De l'arrivée des sauvages et de ce qui s'ensuivit. La reine, l'ours, le singe, le coq, la boulotte vêtue de coquillages, la morte. Il y aura peut-être quelques mauvais cœurs qui se moqueront de nous, mais l'immense majorité du public honnête plaindra, je l'espère, deux pauvres enfants placés, comme nous l'étions, dans un cas aussi extraordinaire que lamentable. Peu habitués au voyage, entièrement neufs aux aventures, et n'ayant pour nous guider que l'expérience un peu romanesque puisée dans le sac aux histoires de papa Quimper, nous faisions cependant de notre mieux pour allier l'audace de Monsieur Surcouf au sang-froid de Laurent Bruant. La preuve que nous nous aguerrissions petit à petit, c'est qu'une fois tombé sur son séant, Jean s'y tint assez tranquille. Quant à moi, je ne lâchais pas ma bonde. Pendant quelques minutes, il sembla, en vérité, que l'enfer fût déchaîné autour de nous. Canonnades et fusillades retentissaient de tous côtés, à droite, à gauche, derrière et devant. Nous aurions juré en même temps que nous entendions de grandes clameurs, et quand il se faisait une accalmie au milieu de tous ces tapages, la musique militaire ronflait. Je n'insiste pas. Vous êtes déjà tout porté à croire que je vous raconte ici un rêve. Heureusement que vous allez bien voir, en temps et lieu, que toutes ces diableries, pareilles aux débauches d'une imagination en délire, étaient de pures et simples réalités. Jean me dit avec une condescendance qui ne lui était pas habituelle, « Ce n'est pas quand on est aussi bas perché qu'il faut échanger des choses désagréables, mais tu pourrais bien réfléchir avant de parler. Si un boulet rouge avait pénétré dans la Sainte Barbe, il aurait mis le feu aux poudres. Nous serions maintenant à 100 pieds en l'air, entourés de débris de toutes sortes et prêts à retomber dans l'eau. Or, rien de semblable ne s'est produit jusqu'à présent que je sache. » Un second ébranlement lui coupa la parole et m'accota contre la tonne à laquelle je me collais éperdu. Puis il y eut un vaste cri et tout se tut. « Oh mon Dieu ! » m'écriai-je. « Montrez-moi l'ennemi, et quand même toute la mitraille de la terre y serait, j'irai de l'avant, mais c'est trop taquinant aussi de penser aux boulets ramés qui peuvent venir vous chercher dans cette boîte. Tais-toi donc, farceur ! Interrompit Jean. « Pour le moment, on est mieux ici. Écoute !»« Ils se sont tous entretués, » murmurai-je. « On n'entend plus rien. »« Mazette, quelle pétarade !» fit Jean qui se releva. « J'ai tombé par suite du tremblement de terre. Si c'est un volcan sous-marin et si c'est vraiment une bataille, j'ai été renversé par le contre-coup de notre propre artillerie. » Car je n'ai pas eu peur, j'enlève la main. Tu crois donc que c'est nous qui avons tiré ? Nous, je ne sais pas, répliqua-t-il de son air le plus entendu. Mais on a tiré de chez nous, j'en signe mon billet, et les deux vieux pierriers ont craché leur ferraille, soit que les Hollandais aient mitraillé les naturels, soit qu'on les ait attachés eux-mêmes à la bouche des canons, comme ça se fait dans les contrées qui se fichent pas mal du droit des gens. En tout cas, on va être fixés, nous deux, car j'ai trouvé le moyen d'aller voir ce qui se passe au grand air. Où est-il ton moyen ? Il leva sa lanterne pour me montrer le hublot et dit encore « C'est le riz ! » Je ne comprenais pas plus que la première fois. « Le riz ! Le riz ! Le riz ! » répéta Jean avec impatience. « Je te dis le riz ! La peur te bouche ! Tu ne te souviens plus du riz où tu as eu ton mal de mer ? » « Mais c'est toi, m'écriai-je, qui as eu le mal de mer. Moi ou toi, qu'est-ce que ça fait ? » répliqua Jean. « Tu te noies toujours dans les détails. L'important, c'est que le hublot donne dans la soute au riz. Tiens, regarde !» Il disait vrai. La lueur de la lanterne portée sur le carreau épais et très étroit laissait voir confusément la masse des petits grains dressés comme une blanche muraille. À l'un des coins du carreau, un angle noir se montrait, le coin même où j'avais distingué dans l'obscurité une lueur à peine perceptible parce que, en cet endroit, le verre n'était pas tout à fait obstrué. « On étouffera 10 fois, dis-je, en traversant tout cela. Est-ce que tu n'aimerais pas mieux attaquer la porte, puisque nous avons des outils ?» Jean secoua la tête avec gravité en me répondant « Mon petit, nos circonstances ont changé. Nous ne sommes plus isolés au milieu de l'océan Atlantique sur un écueil désert et libres de faire du boucan à notre idée, puisque personne ne serait là pour nous entendre. Les 2 coups de pierrier et le reste du charivari prouvent l'existence d'un certain nombre d'êtres vivants sur le navire et aux alentours. Est-ce ton avis ? Certainement. C'est heureux que tu ne m'objectes pas des insignifiances. Mais quels sont ces êtres vivants ? Demandai-je. De la nature des nègres et autres anthropophages, ou de la nature de Mynheer Klotz, ça ne nous fait rien, puisque nous ne pouvons pas choisir. Ils sont ce qu'ils sont, et, dans tous les cas, en faisant du bruit, nous nous les mettrons sur le dos, tandis qu'en arrivant à la douce, nous pouvons les guetter, les surprendre, les égorger. « Construire un radeau ! » m'écriai-je. « Non, ça ferait du bruit. N'essaie pas de mettre tes idées à la place des miennes. »« Je ne suis pourtant pas ton domestique, dis donc. » « As-tu un bon moyen de nous délivrer ? Montre-le, je t'obéis comme un caniche. »« Si tu n'avais pas voulu emporter dans la barque tout ce qui est sur le navire, nous serions loin. »« Nous serions noyés. Avec ton caractère, tu aurais voulu faire à ta tête. »« Et toi à la tienne ? Moi, c'est tout simple, je sais où je mets le pied. »« Tu es un insolent. Et toi ?» Je pense bien que nous nous serions battus de cette fois, car j'avais les oreilles en feu, et Jean, quoiqu'il eût la joue toute blême, me regardait d'un air résolu et mauvais. Mais nous entendîmes tout à coup un bruit de pas lourds qui venait de l'autre côté de la porte, et presque aussitôt après, une clé grinça à l'extérieur dans le cadenas. Jean me dit tout bas « Sauve qui peut !» et souffle la chandelle. Il n'était que temps. Au même moment, la porte roula sur ses gonds. Je me glissais entre 2 tonnes, Jean avait disparu. Ce qui entra, soyez de bon compte, nous en avions bien assez enduré de toutes les couleurs pour devenir fous, et ma première idée fut que j'avais perdu la tête, mais pas de danger. Dieu merci, j'en ai vu bien d'autres dans le courant de mon existence aventureuse, et ma cervelle est toujours restée solide au poste. Je ne parle que pour moi, bien entendu, Jean ayant été plus d'une fois et momentanément avarié de raison par suite de nos catastrophes. Ce qui entra était si extraordinaire que je tiens à vous mettre en garde contre l'idée qui pourrait vous venir que le genièvre était encore au fond de tout cela. Nous avions commencé par boire, c'est vrai, mais pas beaucoup. L'envie de sortir de notre cave s'était emparée de nous tout de suite, et, sauf l'ébranlement du combat naval, nous étions à peu près de sang-froid. Et puis, après tout, pourquoi prendre tant de précautions ? Si nous avions été dans les eaux du Havre ou de Cherbourg, on aurait rencontré des Normands, n'est-ce pas vrai ? Dans la mer de Brest, des Bas-Bretons, en rivière de Tamise, des Anglais ? Eh bien, puisque nous étions arrivés sur les côtes de la Huronie, bien sûr que les Hurons devaient se mêler de nos affaires. C'est donc tout un paquet de sauvages et de sauvagesses qui dévala dans notre soute avec des plumes autour de la tête et les costumes les plus bizarres. La reine, qui était ronde approchant comme l'étonne, passa la porte en valsant avec Mynheer Abraham et sa figure de Barabbas. Ce n'était pas une négresse. Elle avait des farceuses de joues couleur d'acajou que les citrouilles les plus dodues en auraient été jalouses. Et je peux bien dire qu'avant ni après, je n'ai jamais vu d'homme si farceur que Mynheer Abraham. Il chantait en tournant et c'était comme si toutes les grenouilles de Monsieur Surcouf avaient demandé de la pluie, avec chacune un serpent de paroisse dans le ventre. Ah, il y allait de bon cœur, plus saoul que la bourrique du diable! Et je n'avais plus à me demander pourquoi il nous avait oubliés, Jean et moi, à fond de cale. Au moment où il passait la porte, quelque chose se dressa au-dessus de lui et de la reine. C'était un petit sauvage, tout jeune et bien gentil, sauf qu'il avait une tête de coq avec sa crête, dont la queue lui sortait au bas des reins en éventail. C'était lui qui tenait la lumière dans le grand fanal de poupe, et une chose qui m'ahurit plus que tout le reste, c'est qu'il soufflait l'air du lari-fla-fla-fla dans un mirliton en faisant le grand écart, un pied sur la graisse d'Abraham, l'autre sur l'embonpoint de la reine. Je me frottais les yeux à tour de bras, vous pensez, au point que les paupières m'en cuisaient. Je me demandais comment le petit sauvage pouvait savoir le lari-fla-fla-fla, qui est du français, et connaître la manière de chanter dans les mirlitons. Je m'étais coulé entre la dernière tonne et la cloison de notre ancien trou, et j'étais assez bien là pour voir sans être vu. Après Abraham et sa grosse, une demoiselle seule, toute pimpante de verroterie qui bimbelotait et castagnait sur sa baude de calicot, entra en marchant sur ses mains si naturellement qu'on ne pouvait point s'y méprendre. C'était, dans sa peuplade, la manière de se promener. Elle avait les pieds en l'air. Un singe de grande taille qui la suivait sauta sur une futaille, d'où il la leva prestement, et d'un seul temps ils se trouvèrent à côté l'un de l'autre, en haut de la tonne, bien commodément pour causer. Le singe avait un forêt comme ceux des marchands de vin. Il fit un trou dans le plat de la barrique et se mit à boire avec une paille, mais la demoiselle sauvage, voulant avoir sa part, le poussa, histoire de rire, si bel et bien qu'il bascula par-dessus le rebord de la tonne et tourna deux fois sur lui-même pour retomber à califourchon sur le cou de Mignor Klotz, entrant à ce moment avec une morte. Je dis bien, on voyait ses côtes à celle-là, et j'en frissonnais par tout le corps à la regarder, pendant qu'elle retenait son brave Hollandais qui voulait causer avec une petite boulotte bien drôle, tout habillé de pois d'Amérique et de coquillages, monté à cheval sur un ours qui fumait, l'ours, un cigare à paille. « Ah, beau mentir qui vient de loin !» le proverbe dit ça. Je ne voudrais pas jurer que toutes les racontailles de matelots sont véridiques, et je vous ai prévenu avant l'histoire de Laurent Bruant. Mais ici, attention, c'est de l'authentique, première qualité, partout. Pas un mot de vanterie, ni d'enjolivement. Et encore, j'ai omis de vous spécifier que par la porte ouverte, il arrivait une musique agréable pour régler la danse de l'équipage avec les indigénesses, violons, clarinettes et cornets à pistons. J'ai vu ça, j'ai entendu ça, et dès mon premier voyage, avant d'avoir 16 ans sonné, jugez de ce qui a pu m'arriver quand j'ai avancé en âge. Au milieu de mon étonnement, j'étais tourmenté par le besoin de trouver une explication à ces choses extraordinaires. J'aurais bien voulu savoir où Jean était passé, mais il ne donnait point signe de vie. Ce qui sautait aux yeux, c'était le bon accord établi entre les deux parties. La paix, évidemment, était faite, mais quel avait été, en définitive, le résultat du combat naval? Ces sauvages ne ressemblaient pas à des captifs. Les Hollandais n'avaient pas l'air d'être vaincus. Entre ceux-ci et ceux-là, il ne restait pas l'ombre d'une rancune. Et j'avais beau chercher des traces de sang ou de blessures, tout ce joyeux monde se portait à merveille. Était-il croyable, cependant, que tant de boulets, à supposer même qu'il n'y en eût point de rouge ni de ramé, tant de balles et tant de mitrailles eussent passé entre les jambes des gens sans leur faire aucun mal? Il est vrai que les morts et les blessés pouvaient être sur le pont, ou peut-être même au fond de la mer, car nous n'avions là que Klotz, Cornille, Peters et Mynheer Abraham. Quant aux sauvages, ceux que je voyais ne prouvaient rien. Des centaines et des milliers de leurs camarades avaient pu tomber victimes de la bataille sans que j'en eusse la moindre connaissance. Ah, ce Jean me manquait! Où diable avait-il pu se cacher? Je me le représentais écrasé de stupéfaction à la vue de cette fantasmagorie, car la porte ouverte continuait de donner passage à ces êtres tellement prodigieux que j'hésite à les décrire, tant je me méfie de l'incrédulité des lecteurs. Il y avait surtout un requin, pas celui qui avait toqué à notre mur, un indien à la tête de requin, pour parler plus intelligiblement, qui dansait avec Cornille du gouvernail déguisé en ménagère des Pays-Bas. L'indien, encore passe, sa tête de requin s'expliquait par l'incohérence qui règne dans les contrées barbares. Mais Cornille, pourquoi cette mascarade ? Certes, Jean Piteux aurait dit bien des sottises à ce sujet, et sur tout le reste, mais on raisonne ensemble, n'est-ce pas vrai ? Et ça console un petit peu. Il y avait des moments où je m'imaginais qu'il avait glissé comme une anguille par la porte ouverte, là-bas, et qu'il était déjà loin avec la pacotille. Vous demanderez peut-être où il aurait pu aller, puisque la gabarre était échouée sur un récif entouré d'eau de tous côtés. Moi, je vous répondrai que c'était là une supposition de Jean lui-même. Au fond, nous ne savions rien de rien, puisque nous vivions à tâtons depuis Dieu sait quand, dans une cave qui n'avait point de soupirail. Nous n'étions peut-être pas sur un récif. Il était tout aussi raisonnable de supposer que nous avions échoué dans le port même de la ville sauvage assiégée, puisque nous avions entendu le bombardement de si près. Mais la musique, c'était probablement celle d'un régiment anglais ou des États-Unis. Comme j'arrangeais tout cela à la sueur de mon front, j'entendis qu'on criait « Vive le roi ! Vive le roi !» C'était une clameur assez lointaine, mais bien nourrie, et qui me parut poussée par beaucoup de gens à la fois. Après tout, il ne manque pas de rois dans les pays du long cours. Seulement les États-Unis sont en république depuis Lafayette. L'idée de cette cohue iroquoise qui hurlait en français me fit rire tout seul dans mon coin. C'était sans doute le hasard d'une ressemblance de son. N'avions-nous pas trouvé, Jean et moi, la mère Michel dans le baragouin des Hollandais ? Le coq qui jouait à cache-cache avec la petite Boulotte, vêtue de coquillages, sauta en ce moment par-dessus la tonne qui m'abritait et vint tomber de l'autre côté auprès d'un tiercon vide. Je n'eus que le temps de me glisser derrière le tiercon et le coq lança un cocorico qui me fit pousser la sueur froide. La Boulotte prit la place que je venais justement de quitter. Mignor Klotz courait après elle, pourchassé lui-même par la morte que le requin suivait en montrant tous les crocs de sa gueule. Dire que j'étais dans mon sang-froid, ce serait mentir. La tête me battait, et l'idée me venait que j'allais mourir fou. J'en ai vu de toutes les sortes par la suite, en fait de prestige, fantasmagorie et autres, au sein des divertissements et spectacles de la capitale. J'entends celle de la France où j'ai joué un rôle. Mais Paris est Paris, et sur une gabarre naufragée entre Hurons et Hollandais, dans les eaux du diable vas y voir, le soir d'un bombardement, le lendemain d'un naufrage, il n'y a pas à dire, c'était fait pour étonner un jeune homme de Saint-Malo. Voilà donc ce que je veux vous glisser à l'oreille en peu de mots. Sachant que le commun des lecteurs n'est pas content quand on lui fait la farce de narrer les illusions d'un vertige qu'on a eu, ou bien encore les menteries d'un rêve à la place d'une histoire véritable, à l'exception de mon ancien songe, produit par l'abus du Genièvre, celui où vous m'avez vu prendre la gabarre en massacrant les Hollandais, il n'y a rien que du vrai dans mes mémoires. J'en rabattrais plutôt que d'exagérer la moindre des choses, à cause de gens piteux qui me guettent. Celui-là ne se gênerait pas pour me démentir. J'ajoute, puisque j'en ai l'occasion, que les circonstances les plus invraisemblables en apparence seront éclaircies et si bien expliquées que le lecteur ne pourra s'empêcher de penser « C'était pourtant tout simple. » Juste comme la première pomme de terre qu'on mit 6 000 ans à cuire sous la cendre, c'était pourtant bien simple aussi, pas vrai ? Il est donc entendu que cette fois j'étais bien éveillé. Quoiqu'un peu étourdi et quasiment noyé tout au fond de ce mardi gras qui entrait comme une marée dans la cale de la gabarre. C'était tout le contraire de l'autre fois où je battais la campagne, et vous allez voir qu'il y avait de quoi perdre la carte, car nous ne sommes pas au bout de nos lunes. dans la nouvelle position que j'avais été obligé de prendre derrière le tiercent, à l'approche des deux sauvages, le mâle et la femelle, et ce minière Klotz, je me trouvais si près de la petite boulotte que ses coquillages piquaient le revers de ma main gauche. J'avais toujours entendu dire que les patagones et autres de même farine avaient odeur de graisse rance ou tout au moins de poisson pourri. La boulotte avec son nez retroussé et sa coiffure bizarre me revenait assez et je retenais ma respiration pour ne pas sentir sa pommade d'huile de cachalot ou son mauvais sein doux, crainte de me désenchanter. Il y avait donc là, dans mon coin, moi, qu'on ne voyait pas, et la boulotte avec son coq. Quand je vis arriver Mignor Klotz, les bras battants, les poings fermés, qui se ruait comme un furieux contre le coq. Malgré mon peu d'habitude de la société, je devinais qu'il demandait la boulotte en mariage et il me parut qu'il l'appelait Sidonie en hollandais. Il venait la disputer au coq qui fit mine d'abord de soutenir l'assaut mais qui, écartant brusquement ses jambes, passa par-dessus la tête étonnée de Mignor Klotz à saute-mouton en poussant un retentissant cocorico et se mit à gambader de tonne en tonne jusqu'à ce qu'ayant rencontré le grand singe, celui-ci lui saisit les deux mains, l'enleva et le tint à bout de bras, les jambes en l'air. Cette peuplade, il n'y avait pas à dire non, était composée de sauvages très lestes, les hommes et les femmes, et de bien bonne humeur. Mignor Klotz, en effet, arrivant de tout son élan, ne trouva plus personne dans notre coin, parce que la boulotte avait franchi le tiercent d'un bond et se désossait sur la futaille voisine, l'estomac cassé en deux et tenant ses talons sous ses aisselles. Il eut un rire d'admiration coupé par une mauvaise niche que la morte voulut lui faire. Il l'écarta à grands coups de poing et se croyait déjà vainqueur quand le crocodile, inclinant le cou gravement, fit disparaître sa tête entière, la tête de Mignor Klotz, entre ses deux énormes mandibules. En un clin d'œil, mon coin se vida de nouveau. Klotz, fuyant et se débattant contre ses deux adversaires, qui se le renvoyaient bonnement comme on joue avec un ballon. Il me sembla bien en ce moment que j'entendais le rire aigre de gens qui s'étouffaient quelque part. Mais où ? Je pensais justement à lui, me demandant ce qu'il dirait de ses extravagances, et je me dressais sur mes pointes pour regarder dans le tiercent qui me parut vide, ayant son couvercle à moitié chaviré et disloqué à un pied du fond. À ce moment, j'abaissai mon regard vers la terre. Juste à l'endroit où les pieds de Sidonie avaient foulé le plancher, il y avait un objet blanc. Je le ramassai. C'était un mouchoir. Un mouchoir à cette sauvagesse, cela me plongea dans un océan de réflexion. Avant qu'il soit longtemps, me dis-je avec tristesse, la carrière du voyageur aura perdu tout son charme. Un jeune homme d'Europe n'aura plus que de bien faibles chances d'être nommé roi dans ces contrées où la civilisation se glisse de toutes parts. Un mouchoir, déjà, et si loin! Par curiosité, j'approchai le mouchoir de mes narines, non sans quelque défiance du vieux ouin et de l'huile de phoque qui parfumait invariablement toutes les héroïnes de Papa Quimper. Autre surprise agréable sans doute, mais teintée de quelque amertume, le mouchoir n'empestait que l'eau de Cologne. J'en conclus ceci, de deux choses l'une, où les histoires de Papa Quimper étaient d'insigne fausseté, ou, ce qui est le plus probable, grâce au progrès de la navigation, les vrais sauvages devenaient de plus en plus rares sur la surface de l'univers. Il fallait donc se hâter, si on voulait glaner encore dans les champs de l'inconnu, autrefois immense, et qui allait se rétrécissant à vue d'œil. Il m'était peut-être réservé d'avoir la dernière aventure. Pendant que je méditais ainsi en présence de ce mouchoir indien, simple carré de calicot bordé de petites fleurs et qui n'était pas même d'une propreté recherchée, la scène avait changé autour de moi. Je n'apercevais plus Sidonie. Mineur Abraham avait disparu ainsi que l'ours. Les autres étaient rassemblés au centre de la soute et travaillaient. On avait enlevé la bonde d'une futaille et le jeune nièvre coulait à grands flots dans les cruches à bière au milieu d'une allégresse générale. Selon toute apparence, il devait y avoir un festin en haut, sur le pont ou quelque part, car la porte ouverte laissait passer l'excellente odeur de cette hola podrida hollandaise dont j'ai parlé déjà avec éloge. Les cris et rumeurs, du reste, arrivaient toujours du dehors et ne cessaient que pour recommencer aussitôt. Il y en avait de deux sortes, ceux de l'intérieur de la gabarre qui me paraissaient bondés de visiteurs et d'autres qui m'arrivaient de loin, soit que nous fussions entourés de pirogues ou de canots creusés dans des troncs d'arbres, soit que, échoués auprès d'un rivage, nous eussions à portée de la voix un grand rassemblement d'indigènes. À chaque instant, cette alliance de mots barbares qui produisait à peu près le son de « Vive le roi » revenait frapper mon oreille. À vrai dire, je ne cherchais plus beaucoup à deviner les énigmes qui se proposaient en foule à ma pensée. J'espérais, ou plutôt je désirais très vaguement, m'échapper à un moment donné avec gens qui ne pouvaient être loin de moi. Déjà, depuis quelques instants, je le cherchais de tous mes yeux et j'étais inquiet de lui. Impossible de le retrouver. Les Indiens des deux sexes menaient une vie d'enragés sur les futailles et alentours, mais je ne voyais plus Sidonie, ni Mineur Abraham, ni l'ours qui fumait des cigares. En revanche, la morte qui avait maintenant une figure à peu près comme tout le monde sous son diadème de plumes était poursuivie par Mineur Klotz. Il riait, il soufflait. Chaque fois qu'il croyait saisir la morte ressuscitée, elle lui passait la jambe avec beaucoup d'habileté et il tombait en poussant de gros éclats de rire. Une fois, il parvint à la faire prisonnière, mais elle s'esquiva au moyen d'une paire de soufflets qui sonnèrent comme des fouets de poste et je crus bien l'entendre qui disait « As-tu fini, Marsouin ?» J'en restais tout saisi. C'était pour moi comme une voix de la patrie qui m'arrivait à travers l'immensité des flots. Involontairement, je rapprochais cet « As-tu fini ?» des mystérieux « Vive le roi !» et je regrettais Jean de plus en plus. Ma raison se noyait. Mais désormais, les choses devaient marcher à la vapeur et mes étonnements de ce genre allaient me submerger avec de l'eau de merveille à 100 pieds par-dessus la tête. Suivons le fil. Le crocodile vint relever Mineur Klotz et lui donna deux cruches pleines à porter. Le coq et le grand singe, chargés chacun de deux cruches, voulurent les confier à la reine qui se défendit en jurant « Tonnerre de Brest !» Elle aussi. Et je ne sais d'où, prononcé par je ne sais qui, les deux syllabes du nom d'Élie m'arrivèrent à l'oreille, aussi distinctes que je les envoie ici à vos yeux avec ma plume. Je me secouai. « Nom de bleu !» fis-je en moi-même. « Tiens-toi bien, Corentin. C'est la berloque que tu bats avant de tomber tapé mort d'un coup de sang à la fin des fins de tant de misère. » Et par le fait, je me sentis chanceler d'avant en arrière sur mes jambes qui mollissaient comme celles d'un ivrogne, si bien que je donnais du dos contre la cloison et du nez contre la tonne. Pour le coup, le cœur me manqua en grand, quoique c'était tout simplement la diable de Gabarre qui essayait de se relever au flot, car la marée monte partout, après avoir descendu, aussi bien dans ses eaux de l'Antipode qu'en port de Saint-Malo. Mais je n'y étais plus, et quand j'entendis, au milieu de tout, le ricanement aigre de Jean Piteux grincer près de mon oreille, je demandai d'un ton dolent « Jean, mon cousin, est-ce que tu es aussi, toi, « décédé ? Veux-tu bien te taire, imbécile ? » me fut-il répondu. « Tu vas nous faire découvrir. » Cela me rassura un petit peu. Jean, ou son spectre, ajouta. « Ne me réponds pas si tu tiens à ta peau. Nous allons causer tout à l'heure, quand ils seront partis. »« Où es-tu ? » commençai-je. Ma joue fut pincée jusqu'au sang et relevant la tête, je vis la figure pointue de Jean à 3 pouces de la mienne. Il était couché tout de son long dans une manière de filet, suspendu à hauteur d'homme et qui contenait la provision de liège et de cire pour la mise en cruchon du genièvre. « Ah ! » fis-je tout bas, « je suis bien content de te retrouver !»« Parbleu ! » répliqua-t-il, et il ajouta entre ses dents, « sans moi, à chaque pas tu butes !» J'allais le remettre à sa place de la bonne façon quand un mouvement se fit dans la soute. La burlesque procession qui naguère avait fait invasion chez nous opérait sa retraite dans le même ordre et avec les mêmes simagrées. Seulement les Hollandais, vaincus et chargés comme des mulets, emportaient les cruches pleines, tandis que la peuplade indienne faisait des tours de force en imitant les cris de divers animaux. À ce moment, je revis Mynheer Abraham et l'ours qui venaient les derniers et paraissaient engagés dans un très sérieux entretien. « Tant plus qu'ils boiront, chuchota Jean à mon oreille, ce sera le mieux pour nous. Combien penses-tu que la cour d'assises donnerait de gratification à celui qui ferait arrêter des gredins pareils ?»« La cour d'assises, répétai-je confondu. Est-ce qu'il y a une cour d'assises par ici ?»« Ohé, Langourdaine ! » cria-t-on du haut de l'escalier. Je me pris les tempes à deux mains. « Ça passe la permission, » murmurai-je. « Langourdaine, c'est encore un nom de chez nous. Moi, d'abord, ma tête déménage. »« Ça ne coûtera pas cher de voiture, le déménagement de ta cervelle, » répartit Jean avec mépris. L'ours répondit à ceux de l'escalier en bon français. « On y va, les vieux !» Mais au lieu de passer la porte derrière les autres, Mynheer Abraham et lui revinrent vers les tonnes en causant. « 10 000 francs, voilà leur dernier mot. Ils ne veulent pas donner un sou de plus, » dit l'ours. « Les caïmans !» gronda Mynheer Abraham, qui se trouvait aussi parler couramment notre langue maternelle. « Ça vaut 10 fois plus cher. Ah, mais oui, et mieux encore avec le riz. Comment ?» rugit Abraham. « Ils veulent aussi le riz pour ce prix-là ? Depuis que le monde est monde, il n'y a pas eu de brigand pareil. »« C'est à prendre ou à laisser, » dit l'ours. Du haut de l'échelle, les voix de ceux qui avaient appelé déjà répétèrent. « Ohé, Langourdaine ! Ohé !» Abraham poussa l'ours qui se dandina vers la porte sur ses pattes de derrière, et tous deux disparurent. Jean et moi, nous étions seuls. Je restai un instant sans parler et suffoqué par la stupéfaction. Jean me regardait d'un air narquois. « Comme les choses se trouvent, » dis-je enfin quand je recouvrais la parole. « Qu'est-ce que tu as trouvé ? » demanda Jean. « La lune ? Elle n'était pas perdue ?»« Voyons, » fis-je, « je devine que nous sommes encore quelque part en Europe. Est-ce que ce Langourdaine est celui de Papa Quimper ? » « Oui, bien, une jolie connaissance. Langourdaine, le forçat libéré, l'échappé de Belgique, le calfat, l'ours du cirque de Saint-Servan. »« C'est donc ça, » dis-je pour reprendre contenance, « qu'il en porte encore l'uniforme ? Qui ça ? Eh bien, Langourdaine, parbleu ! Langourdaine porte l'uniforme des forbans de Hollande. »« Ce n'est donc pas l'ours ?» Il haussa les épaules. « Bien sûr, » me dit-il, en quittant son filet à bouchon pour sauter sur la tonne et de là par terre, « bien sûr que tu serais tout le restant de ta vie à comprendre si je ne t'aidais pas un petit peu. Moi, il y a beau temps que j'ai tout compris. »« Est-ce que tu voudrais me faire croire, » m'écriai-je, « que Langourdaine et Mynheer Abraham avec qui nous naviguons depuis 2 mois ?» Il éclata de rire si brusquement que j'eus la parole coupée. « Ha, ha, ha !» faisait-il dans son insupportable gaieté. « 2 mois, es-tu assez gobe-mouche ?» Je le saisis au collet et je le secouais, mais il riait toujours répétant. « 2 mois, 2 mois !»« Tu vas me répondre, m'écriai-je, ou je t'étrangle ?» Ces deux gredins que nous venons d'entendre ne parlaient-ils pas de vendre la cargaison en fraude à des armateurs ?« Si fait bien !» « Nous sommes donc dans un endroit où il y a commerce ?»« Un peu. »« Et des voleurs ? »« Pas mal. Et pourquoi riais-tu quand je t'ai dit de moi ? Dame, tu peux faire le compte. Nous avons embarqué le soir du 25 avril et c'est aujourd'hui le 1er mai. Rien que 5 jours ? Est-ce que c'est possible ? Alors, nous n'avons pas quitté la France ? Pas encore. Je parie, dis-je avec humiliation, que nous sommes tout au plus au Havre. Ah, tu es gourmand. Nous n'avons pas avalé tant de chemin que cela. À Cherbourg, peut-être ? Pas si loin. À Granville, alors ? Pas si loin. Ce phare que nous avons vu, c'est Fréhel. Toutes ces lumières, Dinard et Paramé. Nous serions à Saint-Malo ? À quai, oui, mon bonhomme. Entre la porte de Dinan et la grand-porte. Si tu pouvais voir la drôle de figure que tu fais, tu regrettes l'Amérique, Corentin ? J'étais tout bonnement exaspéré. Mais, m'écriai-je, les sauvages qui étaient là tout à l'heure, c'est la troupe du cirque de Saint-Servant où Langourdaine était ours la semaine dernière avant de s'embarquer aux Landais. Mais le combat naval, le canon, la mousqueterie, c'est la fête à Louis-Philippe. Ah, écoutez, les deux bras me tombèrent. C'est vrai, dis-je, le 1er mai, et je les ai bien entendus qui criaient « Vive le roi !»